30 minutes passées, voici une nouvelle émission du mardi après-midi avec Nicolas jusqu'à 17h. J'espère que vous avez passé très bonne matinée, puis ainsi que vous allez la continuer bien dans l'après-midi. On va écouter bien sûr toutes sortes de musiques et de chansons d'après-midi. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec une des chanteuses qui s'appelle Anaïs. C'est son titre « Mon cœur, mon amour ». Et puis, juste après, Alexandra Musard. Vous écoutez Radio Art Français sur le 96.2 FM. On a tous un cœur, des mélodies, des chansons populaires, sous le soleil des années 80. On a les cœurs qui vont de Radio Art Français sur le 96.2 FM. On a tous. Avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. C'est quand elle m'a lâché la main juste au milieu

bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Quand Paris s'endort et quand il fait froid, la fronde en je sors dans les frimas. Je fais les bords de Seine. Je longe les boulevards, qu'un dieu me le prenne, il est trop tard. Bonsoir, mon fantaisie, où mon cœur frétille. Bonsoir, ma poésie. Les lumières scintillent. Je ne lis plus le monde, ni Nostradamus. Seules les prophéties sont à l'argus. Miroir. Fantasy.

Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Je vous laisse avec Cathy Smelly, juste après elle, le country. Nous manquons de temps pour réaliser nos rêves. La vie n'est pas facile. Le parcours est semé d'embûches. Les livres nous permettent de nous évader, mais la réalité est là. Parfois difficile et cruelle, nous continuerons à y croire. bad choice. It feels like now or never, so I decided to give it a try.

gagne chez moi. Baiser sur mes joues finit sur ma bouche. De désir flou, je tremble comme une mouche, comme une mouche, comme une mouche. Je les aime tous les deux d'un amour de légende, sans victime. Avant-hier, on a vu un truffaut noir et blanc, Fatal Julie et Jim. Ils s'aimaient tous les trois comme eux et moi. Ça paraît difficile de vivre ça. Je voudrais bien pourtant qu'on vive à trois, tous les trois, tous les trois. On vit de lui, de toi, et j'aime ça. Pousser encore plus loin le débat. You le sais. Premier baiser volé, passionné. Le cadet de mes mères nous le sait. You le sais. You le sais. Se dire que tout va bien, qu'on maîtrise à peu près la cadence du train. Rien de nous ne restera aussi peu, comme des météores dans la nuit bleue. Ça passe en deux deux, c'est insaisissable. On ne bâtit que des châteaux de sable, mais dès qu'on est deux, c'est irremplaçable. On peut vivre heureux dans nos châteaux de sable. Tous embarqués sur le même chemin, la même destinée nous attend à la fin. Alors autant s'asseoir et prendre un verre de vin. Ça ne va rien changer, mais ça fera du bien. Rien de nous ne restera aussi peu, comme des météores dans la nuit bleue. Ça passe en deux deux, c'est insaisissable. On ne bâtit que des châteaux de sable. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais. Voici donc France Gall suivi de Lily Harmonie. première fois, on ne se retient pas. On donne le meilleur de soi-même. Qu'est-ce que ça peut faire si ça dure ou pas? Merci à ceux qui nous portent en silence, qui ne partent pas quand la lumière s'éteint, à ceux qui rient avec nous dans l'abondance et pleurent avant nous quand le ciel devient lointain. Merci aux bras ouverts malgré nos failles, à ceux qui nous voient sans jamais juger, à ceux qui recollent nos cœurs en bataille. Grâce à eux la vie ressemble à l'été. Un mot doux parfois suffit à changer le poids d'une journée. Il y a des présences qui guérissent la nuit sans rien promettre, juste rester. Merci à ceux qui restent quand tout va si elle pardonne sans se taire. Merci à ceux qui parlent bien de nous-mêmes quand nous ne sommes pas là, au cœur rempli de douceur partout, qui choisissent le bien sans éclat. Donne sans rien attendre, des conseils murmurés au bon moment, de cœur à cœur sans se défendre, des amis libres de tout intérêt, qui pardonnent même blessés, des cœurs modestes, reconnaissants, heureux d'aimer, simplement. Voici Pure Perret. Georges, mon grand frère, si pour notre bonheur tu revenais sur terre pour y faire le chanteur, égrener tes balades, tes savoureux vitains, tu ne donnerais plus souvent l'aubade à la radio le matin. Car par malchance, les trois quarts des stations cultive l'indifférence pour la bonne chanson, et même la mieux écrite qui n'a pas leur tampon

Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandra, penderie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. J'ai le temps d'écrire mes mémoires. carnaval. On s'envole et on s'invente. Des millions de gens qui chantent dans nos têtes. Au lieu de fête, on se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Dans le cœur des arbres en fleurs. Radio Art Français sur 87.2. Voilà, je laisse avec quelques chansons portugaises. O teu amor é se eu já senti, mas quero sempre mais de ti. Eu não quero que o teu coração vá embora sem mim. Não é fácil assumir tuas palavras. Sem saída. Sentimento Rosinha, vai lá. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléans. Et je vous laisse avec Patrick Bruel. Que tout le monde c'est pour mieux m'effacer. Chaque regard, chaque mot calculé. T'as fait de moi ton champ de guerre. Et j'ai aimé sans savoir quoi faire. Les silences pesaient lourd. M'échappe les sates, l'amour. J'ai laissé le toute m'avaler ou absorber. Mais aujourd'hui, je veux avancer. Viens là. Voici les Frangines. J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été.

froid. Rassure ce bout de moi, ces jours qui s'évaporent. Dis que tu m'aimes encore. Dis que tu m'aimes encore. Des secrets. Et voici une des chansons de Lauriane Bach. T'es là, c'est moi, coucou. Tu fais quoi, tu vas où? Le dialogue est ouvert avec la terre entière. Sur le fil, ces mots de passage, ces messages où l'amitié fait rage. Et puis ces heures passées envolées à faire comme si on communiquait. Hello Facebook, j'ai un vrai coup. C'est une info, faut pas que je la loue. Sur le mur, ça murmure, ça sature, ça rassure. Parfois ça s'étonne, souvent ça déconne. Et ça devient dur de parler. Quand on ne s'y attend pas, une surprise de roi. Via le réseau s'avance, un ami de l'enfance. Sur le fil, les liens se réinventent, les messages rendent la vie impatiente. Une photo déclenche un fou rire, une idée postée force le sourire. Hello Facebook, là j'ai un scoop, belle info, faut pas que je la loue. Sur le mur, ça murmure, ça sature, ça rassure. Parfois ça s'éteint, souvent ça décolle, mais ça devient dur de parler à mur. Anniversaire est fête, le concert de Juliette, mon planning est complet, je suis overbooké. Sur le fil, ça devient difficile de trouver même du temps pour aimer. Que d'agitation comme un papillon, ses lumières m'attirent et dire non, c'est pire. Derrière mon profil, je me perds. Lien solide ou éphémère. Complicité imaginaire. Finalement très solitaire. Derrière mon profil, je me perds. Bien solide ou éphémère. La tendresse devient cruelle. Quand elle s'arrête au virtuel. Ça rassure, parfois ça s'éteint, souvent ça déconne. Et c'est dur de ne pas aller dans le mur, de ne pas aller, de ne pas aller, de ne pas aller dans le mur. Parfois, mais c'est toi que je désire. On se se cherche un peu, comme deux cœurs têtus. On dit des mots trop vite qu'on ne pense même plus. Mais au fond, je le sais, quand je regarde tes qui se chamaille, mais qui reste uni. Alors fatigue-moi encore, si c'est pour rester là. Parce que même dans nos disputes, vers la lumière, et je chante cette prière. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur 96.2 FM. Voici donc du rock'n'roll. Oh,

Ele é boy, eu sou lady. Ele é man, tu és my friend. São todos bons rapazes cá na terra. Na Inglaterra, o meu irmão é boy. Na Inglaterra, o meu primo é boy. Na Inglaterra, o meu sobrinho é boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é tudo boy. Na Inglaterra, o meu irmão é boy. Na Inglaterra, o meu primo é boy. Na Inglaterra, o meu sobrinho é boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é tudo boy. Na Inglaterra, o meu irmão é boy. Na Inglaterra, o meu primo é boy. Na Inglaterra, o meu sobrinho é boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good boy. Na Inglaterra, o meu irmão é boy. Na Inglaterra, o meu primo é boy. Na Inglaterra, o meu sobrinho é boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good boy. Na Inglaterra, o meu irmão é boy. Na Inglaterra o meu primo é boy. Na Inglaterra o meu sobrinho é boy. Ser bom rapaz na Inglaterra é good boy. Veux-tu que nous allions un jour sur la montagne de l'amour? Là-bas, perdu parmi les fleurs, il y a le temple du bonheur. Un petit sentier sortant d'eux, tout parmi de la vente, dans du feu, les sources chantent, comme des oiseaux d'argent là-haut. Le ciel n'est jamais gris, là-haut, c'est presque un paradis. La vie a des gants de velours. Sur la montagne de l'amour. Depuis plus de mille ans, depuis la légende, les amoureux du monde entier portent leurs offrandes. Et quand on a monté du sentier de fier, se tenant la main, on doit s'aimer la vie entière. Veux-tu que nous allions un jour sur la montagne de l'amour? Là-haut se donne rendez-vous tous ceux qui s'aiment comme nous. Entre le ciel et la terre, dans ce pays de lumière, nous ferons une prière pour qu'il vive notre amour dans ce lointain pays. Allons chercher le paradis. Plus tard, nous penserons toujours à la montagne de l'amour. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la T'es l'amour de ma vie. Avec toi j'ai plus peur. Non, ma lumière dans la nuit. Dans la nuit, dans la nuit. T'inquiète pas, je t'aimerai à vie. T'inquiète pas, je t'aimerai à vie. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Être à toi ma femme, je t'ai tellement attendu. J'ai trouvé ma boussole. Sans tes yeux, je suis perdu. Et je remercie tes parents de t'avoir donné la vie. Un ange de plus sur la terre. À jamais on sera unis. Si je te fais du mal, c'est mon tempérament. Pardonne-moi si je te blesse. Je t'aime d'un amour inconscient. Et si parfois je pleure, prends-moi dans tes bras. Console-moi si j'ai peur, car mon cœur n'écoute que trouvé mon âme sœur. T'es amour de ma vie, avec toi j'ai plus peur. Ma lumière dans la nuit. J'ai trouvé mon âme sœur. T'es l'amour de ma vie, avec toi j'ai plus peur. Non, ma lumière dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit. T'inquiète pas, je t'aimerai à vie. Ah. T'inquiète pas, je t'aimerai à vie. Astronaute. Et si demain tu meurs, moi je deviendrai une tombe. Je t'ai passé l'anneau, ensemble on s'est dit oui. Et je te connais par cœur, le dictionnaire de mon cœur te définit. Si je te fais du mal, c'est mon tempérament. Pardonne-moi si je te blesse, je t'aime d'un amour inconscient. Et si parfois je pleure, prends-moi dans tes bras. Console-moi si j'ai peur, car mon cœur n'écoute que toi. J'ai trouvé mon âme sœur, t'es l'amour de ma vie. Avec toi j'ai plus peur, ma lumière dans la nuit. J'ai trouvé mon âme sœur, t'es l'amour de ma vie. Avec toi j'ai plus peur, non, ma lumière dans la nuit. J'ai trouvé mon âme sœur, t'es l'amour de ma vie. Avec toi j'ai plus peur, ma lumière dans la nuit. J'ai trouvé mon âme sœur, t'es l'amour de ma vie. J'ai plus peur, non, ma lumière dans la nuit. Ah, t'inquiète pas, je t'aimerai à vie. Ah, t'inquiète pas, je t'aimerai à vie. Ah, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM. Et on reste avec les chansons romantiques. Et bien, je vous laisse avec deux morceaux. Ton souvenir m'a poursuivi sans espoir. Le vide a pris ta place au creux de mes matins. Mais l'amour en silence garde encore son chemin. Je n'ai pas renoncé à l'amour éternel, à ce vrai regard qui me viendrait du ciel. Il est peut-être là, quelque part dans la nuit, celui qui saura ranimer ce que je croyais fini. Quelqu'un pour m'aimer jusqu'au bout du chemin et me prendre la main sans lâcher mes deux mains. J'ai pleuré sans éclat, j'ai pris dans le vent. Et j'ai cru que mon cœur s'endormait lentement. Mais parfois, dans la brume, un soupir me ravit. Qu'un cœur nouveau vienne à ma vie. Je n'ai pas renoncé à l'amour éternel, à ce vrai regard qui me viendrait du ciel. Il est peut-être là, quelque part dans la nuit, celui qui saura ranimer ce que je croyais fini. Quelqu'un pour m'aimer jusqu'au bout du chemin. À sourire aux saisons, même sans lumière. Mais au fond de mon âme, une flamme me dit: le véritable amour existe, il attend lui aussi. Éternel, à ce vrai regard qui me viendrait du ciel, il est peut-être là, quelque part. a commencé sans fait marquant. Rien de précis, rien d'évident. Un lien est né plus fort que les instants. Une romance qui s'est éveillée en chantant. J'ai parfois douté en regardant devant, craignant que le temps change l'élan. Mais au fond de moi, quelque chose est né. On le vit encore en réciprocité. Sans certitude à déclarer, je choisis d'aimer simplement. Tant que nos cœurs tiennent ensemble, Dieu nous protégera, même si tout tremble. Si les saisons changent le décor, je resterai avec toi. Mais j'ai parfois peur que tout s'effrite avec mes sentiments qui en moi persistent. Les habitudes entre nous se sont installées et des doutes, des conflits à effacer. Il y a eu des barrières à baisser, des distances à écarter, mais sans discours prémédité, notre lien ne va pas céder. Si l'avenir vient nous éprouver, je ne fuirai pas, je resterai. Sans certitude à déclarer, je choisis d'aimer simplement. Tant que nos cœurs tiennent ensemble, Dieu nous protégera, même si tout tremble. Si les saisons changent le décor, je choisirai de rester sous le même accord. Mais ce que nous vivons, nous l'avons choisi. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM. Voici le country juste après jazz. She walked through storms with her head held high, boots on the ground and fire in her eyes. Folks tried to say she'd never find her way, but she learned to rise again with every break. She mended her heart with needle and thread, stitched every promise that was left unsaid. When the world turned cold, she didn't turn to stone. She carried her like a shelter of her own. 'Cause she's a woman made of lightning and grace, bold in her spirit, gentle in her ways. She keeps on walking when the path turns rough. Oh, she's strong enough, strong enough. Setback taught her how to stand tall, and now she's learned she can survive it all. 'Cause she's a woman made of lightning and grace, bold in her spirit, gentle in her ways. She keeps on. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris,

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais. Voici avec son tout nouveau titre, Yamana. J'ai pas cherché la gloire, je voulais juste me réparer. Je rappe pour survivre, pas pour me faire admirer. Le game c'est un cirque, je regarde les clowns s'agiter. De l'ombre à la lumière, bienvenue dans ma boîte à musique. 3 millions d'écoutes, 10 ans à charbonner. Sans label, sans équipe, ouais j'ai dû tout fabriquer. Je suis pas là pour les clics, je passe mes nuits à douter. À parler à ma douleur, écouter la dompter. Je me relève encore. Fais ma voix différente dans la tête, mais je maîtrise la trajectoire. Je trace ma route seule, centime sans territoire. Peu importe mes choix, j'ai suivi mes propres lois. Je code ma vie sans bug, dans ma matrice y'a pas de roi. Mon cerveau c'est ma lame, affûté chirurgical. Quand je pose en 16 mesures, c'est presque toujours médical. Je me relève encore, même quand la vie me fait briller. Mes plaies en or, faut juste savoir les faire briller. Ouais, je me relève encore, si jamais stop, j'appuie sur play. Ouais, la galère, ça vaut de l'or, faut juste savoir la faire briller. C'est pathétique, ça vend des disques, ça se fait la guerre. Pour quelques hits, je fais pas du rap. Moi, je fais des séances d'autothérapie. Je pose tous mes traumas sur des BPM qui s'endurcissent. Je me défoule, je veux que ça te serve. Pas juste faire du bruit, reconstruire, unir. J'ai gravé ça dans ton esprit. Je vais prendre tes douleurs, les effacer, les détruire. D'ailleurs, c'est magique si tu apprends à t'en servir. Je me relève encore, même quand la vie me fait plier. Je transforme mes plaies en or, faut juste savoir les faire briller. Ouais, je me relève encore, si jamais stop, j'appuie sur play. Ouais, la galère, ça vaut de l'or, faut juste savoir la faire briller. Briller, briller. La vie, j'ai choisi de t'aimer, j'aimerais que tu reviennes. Tu reviennes, tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie. Le plus beau des chats. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor.

près de toi. We'll be right back. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM. Et elle s'appelle Chimed Badi. Voici donc du latino. it should be. Say you, say me, say it together. Il est 16h et bientôt 47 minutes, voilà. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Et puis, on va terminer l'émission avec Axel Red et puis en duo Garou. Voilà, donc, bien, j'espère que vous avez passé très bon après-midi. Et puis, n'oubliez pas, à partir de 19h, eh bien, vous allez retrouver l'émission de Christophe et avec suivi d'un autre Christophe pour la deuxième émission juste après lui. Et là, pour ma part, on va se retrouver donc eh bien vendredi. Et puis donc, je vous dis bon santé à vous toutes. Si tu continues à danser, quand tu danses, t'auras toutes les histoires.